Tu rentres, tu es resté à la maison. Quel procès! Ah oui. Allons, chérie, si on coupe, redemandez-moi tout de suite. Allons, non, je suis là. Le sac, tes lettres et les miennes, tu me les fais prendre quand tu veux. Un peu dur, je comprends. Oh mon chéri, t'excuses pas, c'est très naturel et c'est moi qui suis stupide. Tu es gentil. Thank you. chacun son tour. Oui, très bien, chante même mieux que tout à l'heure, mais ton appareil résonne, on dirait que ce n'est pas ton appareil. Je te le vois, tu sais, quel foulard, le foulard rouge, Thank you. Thank you. Thank you.